Point de non-retour. Faustine reste seule. Durant les 3 heures suivantes, elle allume chaque cigarette avec la précédente, projetant la fumée dans la bouche d'aération. Elle a éteint le néon, trop violent. Ne filtre plus qu'un ray de lumière sous la porte. 1000 questions s'entrechoquent dans son cerveau, envahies d'un brouillard épais. Trajectoire aléatoire comme des billes de flipper. Pourquoi ? Depuis quand ? Comment ? Et maintenant ? Est-ce sa faute ? Parce qu'un jour elle s'est exclamée de toute façon, un enfant j'en veux, j'en aurai. J'ai besoin de savoir si la mécanique fonctionne, si je suis une vraie femme. Ensuite elle avait ajouté en riant, même si ça dure que 2 ans. Le professeur a parlé de 2 ans. C'est pas une coïncidence. Dieu a donné, Dieu reprend. Est-ce le prix à payer ? Une punition parce qu'un homme a quitté pour moi sa femme et ses enfants ? Maman l'a bien dit. On ne construit rien sur des cendres. Une vie perdue. La belle affaire. Un seul tremblement de terre en Chine tue des dizaines de milliers de personnes. On n'en fait pas un roman pour autant. Pourquoi mon bébé aurait-il plus d'importance qu'un petit chinois ? Il y a 2 siècles, beaucoup d'enfants mouraient en bas âge. Dans un ultime réflexe de survie, Faustine prend de la distance, se détache de l'insupportable réalité pour ne pas sombrer. Ses pensées continuent à tourner, comme autant de toupies. Mais désormais, c'est un rôle qu'elles investissent, une image qu'elles construisent. Ils ne pourront plus gloser qu'elle est superficielle. Ils ne pourront plus clamer qu'elle n'a pas souffert. Ceux qui enviaient son insouciance seront contents. Elle en prend plein la gueule cette fois. Est-ce qu'il me reste encore assez de cigarettes ? Donnez-moi à boire. Papa, maman, comment leur dire ? Que vont-ils penser ? Mes frères, ma sœur, si c'est héréditaire, ils vont souffrir. On lui a dit, soyez courageuse. Mais comment ? Oh mon Dieu, aide-moi, sors-moi de là. Pourquoi m'as-tu abandonnée ? Mais si tu ne t'es même pas donné la peine de sauver ton propre fils. Faustine voudrait à la fois hurler sa détresse et se taire. Elle pleure en silence. Plusieurs heures passent ainsi. Julien ne s'est toujours pas réveillé. Enfin, une infirmière ouvre la porte, allume la lumière, fronce le nez sous l'odeur de clope froide, s'abstient d'en faire la remarque, demande à Faustine de la suivre, l'aide à ramasser ses affaires. Elle installe Julien sur une table allongée roulante et propulse mère et enfant au 3e étage en pédiatrie. Là, elle couche le petit dans un lit à côté de la fenêtre, montre à Faustine les différentes prises, chauffe-biberon et autres sonnettes d'appel, la baignoire qu'elle est autorisée à utiliser, l'armoire disponible. On est prié de ne rien laisser traîner afin que les médecins puissent avoir accès en permanence au petit malade. Dans la pièce adjacente, elle désigne le fauteuil dans lequel Faustine pourra dormir. Enfin, elle conduit la jeune maman à la réception de l'étage pour son enregistrement. Sur le comptoir, il y a un appareil téléphonique. Faustine demande la permission de s'en servir. Accordé pour un appel en Virginie seulement. Elle compose le numéro de Laurie. Celle-ci travaille au Mechanicsville Local. C'est un journal d'annonces gratuit, situé à Richmond, une bonne heure de route de Charlottesville. Laurie est payée à la commission, autant dire qu'elle est assez libre de ses mouvements. Allô ? Laurie, faut que tu viennes. Vite, ça va pas du tout. Apporte quelque chose à boire, quelque chose de fort. Je te rembourserai. C'est si grave que ça ? Pire. J'arrive. Merci. Faustine raccroche. Surtout, ne pas pleurer. L'après-midi est bien avancé. Il est temps de nourrir Julien. Les médecins n'ont pas spécifié s'il fallait changer son alimentation. Elle ouvre un petit pot de compote et le réchauffe dans le micro-ondes mis à la disposition des parents. Julien, bien réveillé, mange de bon appétit. Après son repas, Faustine le baigne, puis le recouche. Il vient tout juste de se rendormir quand on la demande au téléphone. C'est Maxime qui vient au renseignement pendant sa pause déjeuner, tout là-bas, en Europe. Magie de la télécommunication. Faustine se demande comment il les a retrouvés. Alors, ça va, Mastine? Ça va, à peu près. Mais tu sais ce qu'il a? Ils t'ont donné un diagnostic? Non, c'est pas encore. Je sais juste qu'on doit rester ici parce qu'ils veulent faire des analyses lundi, c'est tout. Parfait, ça ne sera pas grave alors. Tiens bon, mon amour. Tout va s'arranger, tu verras. Oui, bien sûr. Au revoir. Au revoir. Embrasse le titounet pour moi. Faustine a réussi à tenir sans fondre en larmes, mais elle est persuadée que son angoisse est passée dans sa voix. Qu'importe, elle a gagné du temps. Il fit presque nuit quand Laurie franchit la porte tournante du Children's Hospital de Charlottesville. Elle n'a pas oublié la bouteille demandée. Avant même de serrer son amie dans ses bras, elle la lui tend. Faustine profite de la montée en ascenseur, sans témoin, pour avaler une première longue gorgée. À l'étage des enfants, pendant que Laurie gazouille avec Julien, Faustine examine la pièce pour la première fois. Cet endroit est une vision d'horreur. 10 lits entassés dans un espace restreint. Des bébés entre 3 et 6 mois. Ce qui frappe, c'est leur solitude. Faustine est la seule maman présente. La plupart des bébés sont sous perfusion. Leurs affections sont impressionnantes. L'un d'entre eux souffre de macrocéphalie. Sa tête est gigantesque comparée au reste de son corps. Elle est très blanche. Les veines tissent une sorte de carte de géographie sur son crâne. Un autre petit malheureux est totalement déformé. Un troisième est né sans membre inférieur. Un quatrième, aux yeux révulsés, est bardé de tuyaux. Personne pour s'occuper d'eux, les caresser, leur chanter une berceuse. Écœurée, Faustine se détend de ce spectacle monstrueux. Julien s'est rendormi. Faustine et Laurie s'échappent de cet enfer. En sortant de l'ascenseur, elles passent devant une bibliothèque. Les deux femmes entrent. Faustine s'assied devant un ordinateur vacant et tape « Warning Hoffman ». Aussitôt, une liste d'articles se déroule sous ses yeux. Ensemble, elles s'instruisent sur cette maladie autosomique, récessive, affection héréditaire, amyotrophie spinale, atrophie des neurones moteurs. Aucune chance de survie, etc. Quel est ce don soudain qui fait que Faustine comprend tout ce qu'elle lit? Ce n'est pas sa langue maternelle, et pourtant ses articles scientifiques lui semblent clairs comme de l'eau de roche. Elle n'en revient pas. Laurie pleure. Elle s'est retenue devant le papouse, mais à l'heure du diagnostic, les vannes s'ouvrent. Pour Faustine, les émotions restent bloquées sur off. Pendant des heures, de bistrot en restaurant, de pub en boîte de nuit, de vin blanc en vin rouge, de Bloody Mary en Irish coffee, de whisky en cognac, elle radote en toute lucidité. Des justifications, des raisons, des excuses, des explications rationnelles, comme s'il était possible d'en avoir. Enfin, au petit matin, ivre morte ou presque, elle libère son amie. Titube jusqu'à sa couche à côté de son fils et s'écroule. Il n'est pas loin de 11 heures quand un murmure la réveille. Oh là là, ma tête! Saisissant la bouteille encore à moitié pleine, cachée sous sa couchette, elle en avale vite une gorgée histoire de se remettre l'estomac en place. Hélas, c'est l'inverse qui se produit. Elle n'a que le temps de se précipiter sur les toilettes. En passant, elle note l'attroupement, médecins, internes et étudiants, devant le lit de Julien. Quand elle revient, lavée, coiffée et prête à répondre aux questions, plus personne n'est là. Ils sont tous passés dans la pièce à côté. Faustine nourrit Julien. Elle ignore depuis quand il est réveillé. A-t-il pleuré, réclamé après elle? A-t-il eu faim, soif, peur? Manifestement, à voir ses sourires et ses regards reconnaissants, il ne semble pas lui en vouloir. Faustine joue avec lui jusqu'au moment où il se rendort. Puis descend à la cafétéria. Là, elle prend un plateau et se dirige vers les comptoirs. Quand soudain, la vérité la terrasse comme si elle avait reçu la foudre. Julien va mourir. Mon bébé va mourir. Sous le choc, elle s'écroule par terre. Toutes ses défenses tombent d'un coup. Les digues se rompent. L'éducation ne fait plus rempart. Elle n'est plus qu'une loque pathétique qui pue l'alcool et la clope, terrassée sur le sol de la cafétéria, dans l'indifférence générale. Personne ne s'arrête, personne ne se baisse, personne ne la relève. Au bout d'un très long moment, une petite voix intérieure lui demande si elle n'a pas honte de se donner ainsi en spectacle. En même temps, la colère monte. Pourquoi moi? Pourquoi mon bébé? Merde, merde, merde! Faustine se relève, prend un plateau, le remplit, puis réalise qu'elle n'a pas faim. L'abandonnant alors sous les regards outrés de l'assemblée, elle remonte auprès de Julien, le nourrit, joue avec lui, le laisse se rendormir, essaye de se reposer, en vain. Quand elle sent à nouveau l'angoisse monter, elle part en quête d'une cabine téléphonique. Elle a pris ses cigarettes et le fond de sa bouteille. Avec tout ce qu'elle a avalé au cours de la soirée et de la nuit précédente, il ne faut pas grand-chose pour allumer le sapin. Pleine de courage alcoolisée, elle demande le numéro de sa mère en Suisse. Nouveau miracle, l'opératrice ne refuse pas de lui passer la communication au motif que personne n'est là pour en garantir le paiement. Ça sonne à Lausanne. « Allô ?» répond André, le beau-père. « Allô, papa ? C'est moi, Faustine. Passe-moi maman, s'il te plaît. »« Bonjour, Faustine. Tu vas bien ? C'est gentil d'appeler. »« Non, ça va pas. Passe-moi maman, s'il te plaît. »« Je peux pas. Elle est occupée avec le père Bastien. »« Va la chercher. C'est urgent. »« Ça va prendre un moment. »« Je m'en fous. Va la chercher. »« Ne quitte pas. » La voilà, je te la passe. Maman? Ma fille? Maman, si Julien, il est malade, ses muscles vont fondre, son diaphragme, il va se paralyser, il va étouffer, il va mourir. Oh maman! C'est atroce, crie maman à 5000 kilomètres de là. Pardon, je te rappellerai. En sortant de la cabine, Faustine croise un médecin qui lui confirme son rendez-vous lundi à 10h pour la biopsie. La jeune femme réalise soudain qu'il lui faudra passer encore 3 nuits, seule, dans cette usine à souffrance, avant qu'on s'occupe de son enfant. C'est au-dessus de ses forces. Signant une décharge, elle embarque son fils et leurs affaires. Ils prennent la fuite. Au bout d'un moment, Faustine s'arrête sur le bord de la route pour vomir. Elle regarde sa montre. 24 heures à peine viennent de s'écouler.